SoundBeats.com. 30 minutes of late overnight. 30 minutes to alter our lives. 30 minutes to make up my mind. 30 minutes to finally decide. 30 minutes to whisper your name. 30 minutes to shoulder the blame. 30 minutes to bliss, 30 lies. 30 minutes to finally decide. Un jour sans revenir en arrière, j'ai vu la couleur de mon histoire. Je pense recommencer pour bien terminer le début de l'histoire. Un simple train pour toucher des flashs, un simple train pour toucher mes souvenirs. Même si durant mon réveil j'oublierai presque ma joie de vivre. Un pas dans la gare de Villepinte, un pas dans le parc de Saussé. Comment ne pas oublier cette enfance dans la couleur verte qui m'a fait croquer. Je repasse devant le labyrinthe bloqué depuis l'avenue du pédophile. Petit, je pense ne pas avoir conscience de ce que c'était d'être libre. J'étais ailleurs, perdu dans mes repères qui vient de revenir dans le piège. Je marche seul sans me retourner, difficile de revenir dans le ciel. Première claque sur ma route, l'amertume augmente. Je vous l'avoue qu'avec le temps ma mémoire devient lente. Je passe devant les voitures pour admirer les couleurs des tours. L'après-midi touche bientôt à son terme, alors je profite du jour. Grisaille autour de moi comme mes images qui sont fanées. J'ai jamais pensé aux conséquences de ma venue, je suis malmené. Tour en tour, je regarde le quartier changer d'hier à aujourd'hui. Les bus viennent et reviennent de tous mes côtés comme de jours et de nuits. Des tags reviennent sans cesse pour donner la couleur à la ville donnée. Des blacks, des beurs, des blancs, des jaunes ont trouvé les fruits des nationalités. Je traverse le chemin qui m'emmènera vers les enfants du futur. Tout petit, j'ai grandi à Mérissé en commençant mes premières ratures. Regarde-moi ce que je deviens et j'ai perdu mémoire ainsi que des liens. Mais de ceux qui ont grandi, j'espère juste qu'ils vont bien. Assis sur le banc du parc, j'ai des flashs quand je pense au passé. De 84 à aujourd'hui, y'a tellement de choses qui ont changé. À l'avenir, je ne sais pas si je serai encore de ce monde. Au souvenir, je me retrouve chez moi, loin de l'hypocrisie du sud. Je sais d'où je viens car j'ai la mentalité d'un Parisien. Le Cameroun est en moi et Olney, je le tiens dans ma deuxième main. J'avoue qu'en partant pour le sud, je te dirais que ça me manquerait beaucoup. Arrivé sur Toulon, j'ai fait mes armes avec les coups. Là-bas, c'est pas comme si j'étais traqué tous les jours sur Brignoles. À se demander si tous les soirs, je dois me torturer à coup d'alcool. Mon futur, je me vois partir loin des prises de tête et de tous ces merdes. Pourtant, tout peut changer de vision quand je me prends des coups de revers. Mon amour pour mon enfance grandit en moi que j'espère revenir. Avec l'envie de repartir à zéro et me sentir libre. Et ça me fait du bien de me ressourcer car contrairement aux autres mecs, je pète les plombs. Je me sens bien avec les gens qui n'ont pas l'acte con. Le cœur rempli d'émotions, je m'en vais avec l'envie. Ce qui me donne la force de savoir enfin où je suis. Le RERB pour Paris m'attend avant de rentrer en Méditerranée. Mais je pense qu'un jour ou l'autre c'est Olney qui viendra me chercher.